بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'ordre de Dieu arrive. Ne cherchez donc pas à le hâter. Gloire à lui, il est au-dessus de tout ce qu'il lui associe. Par son ordre, il fait descendre les anges porteurs de son esprit, sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre Dieu que moi, alors craignez-moi. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité, il transcende tout ce qu'il lui associe. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme, et voilà que ce dernier devient un disputeur déclaré. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. Il a créé pour vous les bestiaux, dont vous faites des vêtements chauds, dont vous retirez divers profits, et dont vous mangez aussi. Ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez le soir, de même que le matin lorsque vous les menez au pâturage. Ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez autrement qu'avec peine. Vraiment, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Il a créé les chevaux, les mulets et les ânes pour que vous les montiez et aussi pour la parade. Il crée d'autres choses que vous ne connaissez pas. Dieu prend sur lui de montrer le droit chemin, car il y a des routes qui s'en écartent. S'il avait voulu, il vous aurait tous guidés. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. C'est lui qui du ciel fait descendre une eau que vous buvez, grâce à laquelle pousse une végétation servant de pâturage à votre bétail. De cette eau, il vous fait pousser des herbages, des oliviers, des palmiers, des vignes et toutes sortes d'arbres fruitiers. Voilà bien là un signe pour les gens qui réfléchissent. Il vous a soumis la nuit et le jour, le soleil et la lune. Les étoiles sont soumises à son ordre. Voilà bien la destinée pour les gens qui raisonnent. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. Les choses qu'il a créées pour vous sur cette terre possèdent différentes nuances de couleurs. Il y a en cela un signe pour les gens qui se rappellent. C'est lui qui a soumis la mer afin que vous puissiez en manger une chair fraîche et que vous en retiriez des parures que vous portez. On voit les bateaux y fondre les flots pour que vous partiez en quête de sa grâce et que vous soyez reconnaissants. Il a fermement implanté des montagnes dans la terre afin qu'elles n'oscillent pas en vous emportant avec elles. Il a établi des fleuves et des voies pour que vous vous guidiez. Il a aussi posé d'autres points de repère. Au moyen des étoiles, les gens trouvent leur chemin. Alors celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée pas? Ne vous rappellerez-vous donc pas? والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. Si vous vouliez compter les bienfaits de Dieu, vous ne pourriez les dénombrer. Certes, Dieu est pardonneur et miséricordieux. Dieu perçoit vos pensées les plus intimes, de même que celles que vous exprimez tout haut. Ceux qu'ils invoquent en dehors de Dieu n'ont rien créé. Ils sont eux-mêmes créés. Ils sont morts et non vivants. Et ils ne savent pas à quel moment ils seront ressuscités. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Votre Dieu est un Dieu unique. Quant à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, leur cœur refuse le savoir et ils sont arrogants. Nul doute que Dieu sait ce qu'il dissimule et ce qu'il proclame tout haut. Assurément, il n'aime pas les orgueilleux. Lorsqu'on leur demande « Qu'a révélé votre Seigneur ?», ils répondent « Des légendes anciennes ». Qu'ils portent donc au jour de la résurrection tous leurs fardeaux, ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent. sans le savoir. Quel horrible fardeau que celui qu'ils porteront. قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Certes. Ceux qui ont vécu avant eux ont comploté. Alors Dieu frappa les bases même de leur édifice. Le toit s'écroula sur eux et le châtiment les surprit d'où ils ne l'avaient pas pressenti. Puis, le jour de la résurrection, il les couvrira d'ignominie et leur dira « Où sont mes associés pour lesquels vous combattiez ?» Ceux qui auront reçu le savoir répondront « La honte et le malheur tombent aujourd'hui sur les mécréants. » الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Ceux à qui les anges ôtent la vie, alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes. Puis ils se soumettront entièrement. Nous ne faisions aucun mal. Mais les anges répondront, non, Dieu sait parfaitement ce que vous faisiez. Alors entrez donc par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Comme est mauvaise vraiment la demeure des orgueilleux. ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Lorsqu'on demande à ceux qui sont pieux, qu'a révélé votre Seigneur, ils répondent, un bien. Pour ceux qui font le bien en ce monde, il y a une bonne récompense. Mais la demeure de l'au-delà est bien meilleure. Combien agréable sera la demeure de ceux qui sont pieux. Les jardins d'Éden, où ils entreront et sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils auront là tout ce qu'ils voudront. C'est ainsi que Dieu récompense ceux qui sont pieux. Ceux dont les anges reprennent l'âme, alors qu'ils sont bons. Que la paix soit sur vous. Entrez au paradis en récompense de ce que vous faisiez. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Attendent-ils que les anges viennent à eux ou que s'accomplisse l'ordre de ton Seigneur. Ainsi agissaient les gens avant eux. Ce n'est pas Dieu qui leur fit du tort, ils se firent plutôt du tort à eux-mêmes. De sorte qu'ils subirent les conséquences des méfaits qu'ils avaient commis, et ce dont ils se moquaient les cerna de toutes parts. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Et les associateurs disent: si Dieu avait voulu, nous et nos ancêtres n'aurions rien adoré en dehors de lui. Nous n'aurions rien interdit qu'il n'eût interdit lui-même. Ainsi agissaient les gens avant eux. Quelle est la mission des messagers, sinon de transmettre le message en toute clarté? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Nous avons envoyé à chaque communauté un messager. Adorez Dieu et bannissez les fausses divinités. Alors Dieu en guida certains, tandis que d'autres furent destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui rejetèrent nos messages. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. Même si tu désires ardemment qu'ils soient guidés, ô Mohammed, sache que Dieu ne guide point celui qu'il a laissé s'égarer, et ils n'auront pas de secoureur. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Ils jurent par Dieu avec force que Dieu ne ressuscitera pas celui qui meurt. Bien au contraire, c'est une promesse véritable de sa part, mais la plupart des gens ne le savent pas. Il les ressuscitera afin de leur expliquer les raisons de leur divergence et pour que ceux qui n'ont pas cru reconnaissent qu'ils mentaient. Lorsque nous voulons une chose, notre seule parole est « soit » et elle est aussitôt. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Ceux qui pour la cause de Dieu ont quitté leur demeure après avoir été opprimés, nous leur donnerons certainement une bonne demeure ici-bas. La récompense de l'au-delà sera plus grande encore s'ils savaient. Ce sont eux qui sont patients et qui se fient à leur Seigneur. كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Nous avons envoyé comme messager avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc à ceux qui ont reçu leur appel si vous ne savez pas. Nous les avons envoyés avec des preuves claires et des écritures. Et nous t'avons envoyé ce livre afin que tu expliques aux gens ce qui a été révélé à leur intention. Peut-être réfléchiront-ils. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. Ceux qui complotent des méfaits se sentent-ils à l'abri de ce que Dieu les fasse engloutir par la terre, ou que le châtiment leur vienne de là où ils ne l'attendaient point, ou qu'ils les saisissent au cours de leurs activités quotidiennes sans qu'ils puissent y échapper, ou qu'ils les saisissent en leur faisant subir des pertes graduelles. Certes, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. N'ont-ils pas observé toutes les choses que Dieu a créées? Leurs ombres s'allongent à droite et à gauche, se prosternant devant Dieu en toute humilité. C'est devant Dieu que se prosternent toutes les créatures vivantes des cieux et de la terre, et les anges se prosternent aussi, et ils ne sont pas arrogants. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qu'il leur est commandé. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. Dieu a dit, ne prenez pas deux divinités, il n'existe qu'un seul Dieu. Alors ne craignez que moi. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et c'est à lui qu'est due une constante obéissance. Craindrez-vous donc d'autres divinités à part Dieu ? ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. Tout ce que vous recevez comme bienfait provient de Dieu. Quand le malheur vous touche, c'est lui dont vous implorez le secours. Puis, une fois qu'il vous a délivré de votre malheur, voilà qu'une partie d'entre vous se met à attribuer des associés à leur Seigneur, démontrant ainsi leur ingratitude pour ce que nous leur avons donné. Jouissez donc de la vie pour un certain temps, et bientôt vous saurez. تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Ils assignent une partie des biens que nous leur avons attribués à des idoles qu'ils ne connaissent pas. Par Dieu, vous serez interrogés sur ce que vous inventiez. Ils assignent des filles à Dieu, gloire à lui, tandis qu'ils s'assignent à eux-mêmes ce qu'ils désirent. Lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit et une colère profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. La gardera-t-il malgré la honte ou l'ensevelira-t-il sous terre? Quel piètre jugement que le leur! للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà incarnent les pires noirceurs, tandis que Dieu est la perfection absolue. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Si Dieu s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur terre aucun être vivant. Mais il leur accorde un sursis jusqu'à un terme fixé. Et quand leur terme arrivera, ils ne pourront ni le retarder d'une heure, ni le hâter. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Ils assignent à Dieu ce qu'ils détestent pour eux-mêmes, et leur langue profère un mensonge lorsqu'ils disent que la plus belle récompense leur sera réservée. C'est le feu, sans nul doute, qui leur sera réservé, et ils y seront envoyés les premiers. Par Dieu, nous avons vraiment envoyé des messagers à des communautés avant toi, mais Satan leur a enjolivé ce qu'ils faisaient. C'est donc lui qui est leur allié, aujourd'hui, et ils recevront un douloureux châtiment. Nous ne t'avons révélé le livre que pour que tu leur expliques les choses au sujet desquelles ils sont en désaccord, et afin qu'ils servent de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Dieu fait descendre du ciel une eau avec laquelle il redonne vie à la terre après qu'elle ait été morte. Certes, il y a là un signe pour les gens qui entendent. Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous faisons sortir de leur ventre, d'entre la bouillie gastrique et le sang, un lait pur, délicieux pour ceux qui le boivent. Des fruits, des palmiers et des vignes, vous tirez une boisson enivrante, ainsi qu'un excellent aliment. Il y a certes là un signe pour les gens qui raisonnent. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Ton Seigneur révéla aux abeilles: aménagez vos ruches dans les montagnes, dans les arbres et dans les habitations construites par les hommes. Puis mangez de toute espèce de fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur qu'on a rendu facile pour vous. De leur ventre sort un liquide, aux couleurs variées, dans lequel il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là un signe pour les gens qui réfléchissent. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. C'est Dieu qui vous crée et vous fait mourir. Certains parmi vous seront ramenés à un âge fragile, de sorte qu'après avoir su, il arrive à un stade où ils ne savent plus rien. Certes, Dieu est omniscient et puissant. Dieu a favorisé certains d'entre vous dans la répartition des moyens de subsistance. Mais ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à remettre leur surplus à leurs esclaves, de sorte que maître et esclave deviendraient à leur égaux. Est-ce que ce sont les bienfaits de Dieu qu'ils nient ? والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. Dieu vous a donné des épouses issues de vous-même et de vos épouses. Il vous a donné des enfants et des petits-enfants. Il vous a attribué d'excellents aliments. Croit-il donc aux mensonges et nie-t-il les bienfaits de Dieu ? وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ils adorent en dehors de Dieu ce qui ne peut leur procurer aucune subsistance, ni des cieux ni de la terre. et qui ne possède aucun pouvoir. N'attribuez donc pas des semblables à Dieu, car Dieu sait, tandis que vous, vous ne savez pas. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Dieu propose en parabole un esclave qui est la propriété d'une autre personne et qui est dépourvu de tout pouvoir. Et un homme à qui nous avons accordé de généreux moyens dont il dépense en secret et en public. Sont-ils égaux ? Louange à Dieu, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Dieu propose en parabole deux hommes. L'un est muet, dépourvu de tout pouvoir, et constitue un fardeau pour son maître. Peu importe où celui-ci l'envoie, il ne rapporte rien de bon. Est-il égal à celui qui ordonne la justice et suit le droit chemin ? ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. C'est à Dieu qu'appartient l'invisible des cieux et de la terre. L'ordre concernant l'heure du jugement ne sera que comme un clin d'œil, ou plus bref encore. Certes, Dieu est souverainement puissant. Dieu vous a fait sortir du ventre de votre mère, dénué de tout savoir. Il vous a donné l'ouïe, la vue et l'intelligence afin que vous soyez reconnaissants. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. N'ont-ils pas vu les oiseaux en plein vol dans les airs? Rien ne les retient si ce n'est Dieu. Certes, il y a là des preuves pour les gens qui croient. Dieu a fait de vos maisons un habitat confortable. Il vous a procuré d'autres demeures, faites de peaux de bêtes que vous trouvez légères à transporter lorsque vous voyagez et lorsque vous campez. De la laine, de leur fourrure et de leur poil, il vous a procuré des articles de ménage et des objets plus ou moins durables. Wallahu ja'ala lakum min ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ De ce qu'il a créé, Dieu a fait des ombrages pour vous protéger du soleil. Il vous a aménagé des refuges dans les montagnes. Il vous a aussi procuré des vêtements pour vous protéger de la chaleur et des cottes de mailles pour vous protéger contre votre propre violence. C'est ainsi qu'il parfait son bienfait sur vous. Peut-être alors vous soumettrez-vous à lui. S'il se détourne, ton devoir ne consiste qu'à leur transmettre clairement le message. Ils reconnaissent les bienfaits de Dieu, puis ils les renient. La plupart d'entre eux sont ingrats. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون Un jour, de chaque communauté, nous ressusciterons un témoin. Aucune excuse ne sera alors acceptée de la part des mécréants, et ils ne pourront s'amender. Quand les injustes verront le châtiment, celui-ci ne leur sera point atténué, et ils n'auront point de répit. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ Lorsque ceux qui attribuaient des associés à Dieu verront ses associés. Ils diront « Notre Seigneur, voilà les associés que nous invoquions en dehors de toi. » Alors ils leur répondront « Vous êtes vraiment des menteurs. » Ce jour-là, ils offriront leur soumission à Dieu et ceux qu'ils avaient faussement érigés en Dieu les laisseront tomber. Ceux qui ne croyaient pas et entravaient aux hommes le sentier de Dieu, nous leur ajouterons châtiment sur châtiment à cause de la corruption qu'ils répandaient. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Un jour, nous ressusciterons contre chaque communauté un témoin issu d'elle-même. Nous t'emmènerons, ô Mohammed, comme témoin contre eux. Nous t'avons révélé le livre qui explique toutes choses de façon claire et qui constitue un guide, une miséricorde et une bonne nouvelle pour les musulmans. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ Certes, Dieu enjoint la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Il interdit l'indécence, l'injustice et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Soyez fidèles au pacte conclu avec Dieu après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Dieu comme garant. Certes, Dieu sait parfaitement ce que vous faites. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ne soyez pas comme celle qui défaisait son fil brin par brin après l'avoir solidement filé, en prenant vos serments comme un moyen de vous tromper les uns les autres du fait qu'une nation soit plus nombreuse que l'autre. Dieu ne fait par là que vous éprouver, et il vous exposera certainement au jour de la résurrection la vérité sur les raisons réelles de vos désaccords. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il laisse s'égarer qui il veut et il guide qui il veut. Vous serez certainement interrogé sur ce que vous faisiez. أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون N'utilisez pas vos serments pour vous tromper les uns les autres, sinon vos pas glisseront après avoir été fermes, et vous coûterez le malheur pour avoir détourné les hommes du sentier de Dieu. Vous subirez alors un terrible châtiment. Ne trahissez pas pour un vil prix le serment pris envers Dieu. Ce qui se trouve auprès de Dieu est bien meilleur pour vous, si vous saviez. Tout ce que vous possédez finira par disparaître, tandis que ce qui est auprès de Dieu durera. Nous récompenserons ceux qui auront été patients en fonction de leurs meilleures actions. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Quiconque, mâle ou femelle, fait une œuvre salutaire tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous le récompenserons certainement en fonction de ses meilleures actions. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون Lorsque tu récites le Coran, cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le banni. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui donnent des associés à Dieu. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ Quand nous remplaçons un verset par un autre, et Dieu sait mieux ce qu'il révèle, ils disent « Certes, tu ne fais qu'inventer, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. » Dis, c'est le Saint-Esprit, Gabriel, qui l'a révélé de la part de votre Seigneur, en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, et en tant que guide et bonne nouvelle pour les musulmans. Nous savons parfaitement qu'ils disent « C'est un homme qui lui enseigne le Coran ». Or, la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère, tandis que celle-ci est une langue arabe bien claire. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون Ceux qui ne croient pas aux révélations de Dieu, Dieu ne les guide pas, ils recevront un douloureux châtiment. Seuls ceux qui ne croient pas aux signes de Dieu forgent des mensonges, tels sont les menteurs. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Quiconque renie Dieu après avoir cru en lui, à l'exception de celui qui est contraint alors que sa foi demeure ferme dans son cœur, ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à l'incroyance, sur eux s'abat la colère de Dieu. Ils recevront un terrible châtiment. Cela parce qu'ils préfèrent la vie d'ici-bas à celle de l'au-delà. Dieu ne guide point les mécréants. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. Voilà ceux dont Dieu a scellé le cœur, les oreilles et les yeux. Ce sont eux les insouciants. Nul doute que dans l'au-delà, ils seront les perdants. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Certes, ton Seigneur envers ceux qui se sont exilés après avoir été persécutés, qui se sont battus et qui ont été patients. Certes, après tout cela, ton Seigneur est pardonneur et miséricordieux. يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. Un jour, chaque âme viendra plaider pour elle-même, et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura fait. Nul ne subira la moindre injustice. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Dieu propose en parabole une ville qui était en sécurité et tranquille, et dont la subsistance lui venait de partout en abondance. Puis elle devint ingrate envers les bienfaits de Dieu. Alors celui-ci lui fit goûter aux affres de la faim et de la peur à cause du mal qu'elle faisait. En effet, un messager issu de leur sein était venu à eux, mais ils l'avaient rejeté. Le châtiment les saisit donc, alors qu'ils étaient injustes. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Mangez de ce que Dieu vous a attribué de licite et de pur. Et soyez reconnaissants pour les bienfaits de votre Seigneur, si c'est lui que vous adorez. Il vous a interdit la chair de la bête morte, le sang, la chair de porc, ainsi que la bête qui a été immolée au nom d'un autre que Dieu. Mais quiconque en mange, parce qu'il y est contraint, sans le désirer ardemment, ni transgresser, Dieu est alors pardonneur et miséricordieux. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. Ne dites pas arbitrairement « ceci est licite et cela est illicite », inventant ainsi un mensonge contre Dieu. Certes, ceux qui inventent un mensonge contre Dieu ne prospéreront jamais. Ils n'en tireront qu'une brève jouissance, suivie d'un douloureux châtiment. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Aux Juifs, nous avions interdit ce que nous t'avons déjà relaté. Nous ne leur avons fait aucun tort. Ils se sont plutôt causé du tort à eux-mêmes. Certes, ton Seigneur envers ceux qui ont commis le mal par ignorance et qui se sont par la suite repentis et amendés. Certes, après cela, ton Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Abraham fut un archétype. Il était obéissant envers Dieu. Il était droit et n'était point du nombre des associateurs. Il était reconnaissant pour ses bienfaits et Dieu l'avait élu et guidé vers le droit chemin. Nous l'avons favorisé en ce monde et dans l'au-delà, il sera certes du nombre des vertueux. Puis nous t'avons révélé, ô Mohammed, suis la religion d'Abraham en pur croyant. Il n'était point du nombre des associateurs. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Le sabbat n'a été imposé qu'à ceux qui étaient en désaccord à son sujet. Au jour de la résurrection, ton Seigneur jugera entre eux au sujet de leurs différends. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Appelle au chemin de ton Seigneur en usant de sagesse et de bonnes paroles. Discute avec eux de la meilleure façon. Certes, c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'écarte de son sentier et ceux qui sont bien guidés. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Si vous punissez, infligez une punition égale au tort que vous avez subi. Mais si vous endurez avec patience, voilà certainement la meilleure voie à suivre pour ceux qui sont patients. Endure patiemment. Ton endurance ne viendra qu'avec l'aide de Dieu. Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Certes, Dieu est avec ceux qui remplissent leurs devoirs envers lui et qui sont bienfaisants.